Après la photonique et le spintronique, le nouvel espoir pour l'électronique du futur s'appelle l'excitonique. Pas uniquement parce qu'elle ouvre des perspectives très excitantes, mais parce qu'elle est fondée sur une quasi-particule, l'exciton, dont les propriétés pourraient permettre de se substituer à nos bons vieux transistors que l'on n'arrive plus à miniaturiser. Mais comme toujours en physique des particules, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Reste encore à pouvoir la manipuler à température ambiante et augmenter sa durée de vie. C'est précisément ce à quoi une équipe de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne vient d'aboutir. Exciton, un potentiel très excitant, c'est le problème qui va nous stimuler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous guider dans les méandres de ce nouveau domaine de l'électronique et des quasi-particules, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monique Combesco. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite à l'Institut des Nanosciences de Paris. Bonjour Emmanuel Delaporte. Bonjour. Vous êtes professeur au département de physique de l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en replay, en podcast sur votre application favorite et en parallèle via notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Ça va être utile aujourd'hui, notamment pour avoir peut-être un certain type de graphique, de représentation de niveau d'énergie. Bref, ça peut vous aider à visualiser un peu plus ce dont nous allons parler tout au long de cette heure. Alors on va commencer bien par le commencement, par une question très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un exciton, Monique Combesco ? Pour parler d'un exciton, je pense qu'il faut démarrer avant, parce que je vais dire qu'un exciton, c'est l'étalier d'une paire électron-trou faite dans un semi-conducteur. Alors là-dedans, il faut expliquer pour commencer semi-conducteur, ensuite expliquer un trou, parce que c'est sûrement bizarre, et ensuite parler de l'étalier. Donc, je n'expliquerai pas pour commencer ce qu'est un exciton, mais plutôt la différence entre isolant, conducteur et semi-conducteur. Alors, on va commencer précisément par un peu de physique des matériaux. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un isolant, un conducteur et un semi-conducteur ? Alors, un isolant, c'est un matériau dans lequel les électrons ont beaucoup de mal à se déplacer lorsque l'on applique un champ électrique. Donc, il n'y a pas de conduction dans un isolant. Dans un conducteur, au contraire, lorsqu'on applique un champ électrique, cet électron se déplace facilement. Et dans un conducteur, il y a beaucoup d'électrons disponibles pour participer à cette conduction. Alors, un semi-conducteur, c'est entre ces deux modèles, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'électrons, moins que dans le conducteur, hein, qui sont capables de se déplacer sous un champ électrique. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait, justement, au niveau atomique, la différence ? Allez-y, Monique Combesco. Sur cette définition, pour moi, un semi-conducteur, c'est fondamentalement un isolant et qu'il est facile de rendre conducteur. Et le rendre conducteur, l'image que je vais faire est la suivante. Vous imaginez, je représente un isolant comme une autoroute avec une barrière de péage et des voitures entassées jusqu'à la barrière de péage. Personne ne passe, le courant passe pas. Un conducteur, c'est la même autoroute sans barrière de péage, il y a des places vides devant et les voitures avancent. Un semi-conducteur, c'est un isolant, comme j'ai dit. Donc, c'est une autoroute remplie avec sa barrière de péage, une barrière de sécurité et de l'autre côté, une route vide. Donc, la route pleine porte un nom, c'est la bande de Valence, elle est pleine. Et la route à côté vide, et que tout le monde regarde parce qu'on aimerait bien passer par-dessus la barrière de sécurité, c'est la bande de conduction. Alors, on peut franchir cette barrière de sécurité, comme dit Emmanuel. Il faut faire quelque chose, parce que s'il n'y avait pas de barrière de sécurité, on passerait sur la route d'à côté et on serait devenu conducteur. Donc, si on passe la barrière de sécurité, il y a plusieurs façons. Par exemple, on peut imaginer une grue, c'est-à-dire quelque chose de fini, qui peut être un photon en près, mais c'est une grue, qui prend une voiture dans la bande, dans la route pleine, et qui la met sur l'allée vide. Alors, cette voiture est trop contente, donc elle avance vers la barrière de sécurité et elle laisse une place vide. Et quand on a une place vide devant soi, quand il y a une autoroute, évidemment, la voiture qui est derrière avance et celle qui est derrière avance encore. Et donc, s'il y a beaucoup de place vide, on finit par avoir aussi un courant du côté de la route qui était pleine. Donc, on a au départ un isolant, la route totalement bouchée. On a pris quelques voitures par des méthodes... Qu'on détaillera tout à l'heure. Qu'on détaillera, mais qu'on peut imaginer. Mmh. On les met sur la voie vide. Ces voitures avancent sur leur voie vide et grâce aux places laissées dans la route qui était pleine, qui vont être des trous de place pleine. Le mot est important. Le mot est important parce que c'est lui qui va faire la suite. Mmh. On laisse un trou et grâce à ce trou, on comprend très bien que les voitures vont pouvoir aussi se déplacer. Alors, une question amusante pour les gens. À votre avis, le trou va vers la barrière de sécurité ou vers l'arrière ? Alors, je vous laisse le soin de qui répondre. Se lance est-ce que le thésard se lance à répondre ? Ah, parce que nous sommes ici, effectivement, et déjà en studio, Alexandre Plot qui nous parlera tout à l'heure de certains travaux de recherche. Alors, Alexandre, puisque vous êtes sollicité directement, le trou, il va vers la barrière ou il recule ? Eh bien, bonjour d'abord. Bonjour, bienvenue. Le trou, il va... il recule. Il recule. Les voitures avancent et le trou recule. Ce qui est normal, vous avez une place vide devant vous, vous remplissez la place vide, le trou se ramène, la voiture qui est derrière se met à la place de vous, donc le trou va dans l'autre sens. Donc quand on fait une paire électron-trou, on fait une place vide dans la partie pleine, on laisse une particule dans la partie vide, et on a un ensemble qui, des deux côtés, vont permettre de passer le courant. Et donc, alors il y a plusieurs façons de le faire, et une façon de le faire... Comme disait Emmanuel, c'est aussi de mettre quelques voitures dans la partie qui était vide. Et là, on a du courant de voitures. Ou de faire, et ça s'appelle doper, donc le semi-conducteur, on met des voitures dans la partie vide. Ou bien, on retire des voitures dans la partie qui était pleine. C'est-à-dire qu'on met des places vides et on a du coup un courant de trous dans la partie qui était pleine. Donc, on est arrivé déjà au concept de trou. Alors après, il faut faire une paire, mais là, je vais m'arrêter une minute pour que déjà le concept de semi-conducteur, c'est un isolant que l'on peut rendre conducteur par plusieurs façons. Et quand on le rend conducteur, le plus souvent, pas toujours, on fait des places vides qui seront des trous. Ça, c'est pour l'analogie. Peut-être qu'on peut, du coup, maintenant, la traduire, cette analogie, en termes de particules. Emmanuel Delport, quand on est face à un semi-conducteur, qu'est-ce qui se passe au niveau atomique, justement, avec des électrons qui vont passer de la bande de valence à la bande de conduction ? Alors, en effet, un électron est une particule réelle, hein, c'est-à-dire qu'il a une charge qui est négative, il a une masse. Maintenant, si on prend cette analogie, lorsque il y a des... c'est-à-dire des absences d'électrons en bande de valence, donc on parle de trous, et toute la difficulté est de traduire ce concept en termes de particules, c'est-à-dire que si on veut considérer ce trou comme une particule, il faut donc lui affecter une charge et une masse. Et donc ce que disait Monique était très important, comment se déplace ce trou par rapport à la barrière de sécurité ? On a vu que ce trou se déplace dans l'autre sens que l'électron. Donc, on va lui affecter une charge positive. Bon, quant à sa masse, c'est une histoire plus compliquée, mais on peut aussi lui affecter une masse qui sera différente de celle de l'électron. Ce qui est important, c'est que, donc, à travers cette analogie, on vient de définir ce qu'est un exciton. Je vais vous laisser le redire. Pas encore tout à fait. Alors, allez-y, Monique Combesco, que je vous laisse continuer. Pas encore. Vous nous avez dit qu'on avait un peu de temps pour vous dire les bases. Bien sûr. Donc, on commençait par semi-conducteur. Après ça, on va au trou. Après ça, on va à l'étalier. Alors, l'étalier, c'est scientifiquement un atome d'hydrogène où on a un électron et un proton. Mais là, on est déjà savant. Mais vous me direz que vous êtes dans une émission pour des gens qui sont un peu savants. Et pour des gens qui sont moins savants et qui ont tourné le bouton et qui veulent pas le retourner dans l'autre sens tout de suite, pour leur apprendre un peu quelque chose, ça ressemble à un homme avec sa femme. Parce que tout à l'heure, je vais avoir besoin d'avoir des hommes avec leurs femmes. Donc, il y a un étalier parce qu'ils se sont plu et ils sont ensemble, parce qu'ils se sont attirés. Alors, bon, pour l'homme et la femme, vous en savez probablement plus que moi, comment ils peuvent être attirés et fabriquer un couple, marié ou pas, c'est une autre histoire, mais qu'ils soient un couple. Et de même sexe ou pas, c'est aussi une autre histoire, mais c'est pas mon problème aujourd'hui. Et là, on a, parce que effectivement, dans les paires de Cooper qui sont là, c'est deux électrons qui forment un étalier. Donc c'est deux fois la même, enfin, ils ont pas le même spin, et c'est pas tout à fait les mêmes, mais beaucoup plus quand même. Bon, alors maintenant, si on prend, avec l'introduction qu'Emmanuel a faite, le fait que le trou va en sens inverse, de la pente, donc vers la barrière de sécurité qui a une charge positive, l'électron ayant une charge négative, l'interaction coulombienne entre charges de signes opposés est attractive. Donc on comprend qu'un électron et un trou, comme un électron et un proton dans l'atome d'hydrogène, fait un étalier connu sous forme d'atome d'hydrogène, ou, pour les gens qui font de la physique des semi-conducteurs, un exciton. Donc un exciton, je redis la définition, c'est un étalier d'un électron et d'un trou fait en excitant, c'est-à-dire en passant par-dessus la barrière dans un semi-conducteur, en excitant un semi-conducteur. Donc vous connaissez tous les mots maintenant. Ça y est, on a voilà. Le corpus. Ce qui est intéressant, peut-être ce sur quoi on peut revenir, Emmanuel Delporte, c'est que effectivement, il y a quelque chose de très contre-intuitif à comprendre au début quand on fait, et on a fait beaucoup dans cette émission de physique des particules, que d'un seul coup, le trou est considéré comme une particule. Absolument, c'est bien la difficulté parce que en fait, voilà, on peut effectivement parler d'antiparticules, c'est vrai, mais aussi c'est une difficulté parce que, comme le disait Monique, on décrit donc une absence d'électrons, donc une absence de voiture dans une grande colonne de voiture, mais en général, il y a aussi des interactions entre toutes ces particules et en fait, on décrit donc là quelque chose de complexe par un concept beaucoup plus simple, mais qui est validé dans les semi-conducteurs, dans le sens où cette vision simple permet de rendre compte de beaucoup d'expériences et de tendances aussi dans ces expériences. Donc, il faut, pour comprendre simplement interpréter simplement les résultats des manipulations que nous faisons, c'est vraiment la bonne image de parler de ce trou qui a une charge et une masse. La masse du trou, maintenant, c'est quelque chose de compliqué. Elle peut se mesurer. Vous pouvez faire des expériences de résonance cyclotron et avoir accès à cette masse. Mais la prédire par des calculs est tout à fait compliqué parce qu'il y a énormément d'interactions à prendre en compte à l'intérieur de ce matériau. Mais on peut avoir confiance dans cette image lorsque l'on décrit un semi-conducteur. Monique Combesco, pour compléter hein, cette définition, pour essayer peut-être de l'aborder par un peu un autre biais, on est donc là face... Peut-être aussi quelque chose d'intéressant, c'est un mot d'histoire. À quel moment est-ce qu'un physicien propose cette quasi-particule qu'est l'exciton? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a besoin de constituer cet assemblage entre l'électron et le trou pour des propriétés de semi-conduction? Je suis tombée un peu là-dessus. Bon, moi, j'ai... un âge canonique, je fais de la physique depuis 50 ans, et j'ai eu comme directeur de thèse un physicien très brillant, Philippe Nozière, qui a été professeur au Collège de France. Et je suis tombé un jour par hasard, je lui ai demandé, parce que le trou, on l'achète. Enfin, pour moi, j'avais 20 ans, j'ai acheté que le trou, ça avait une masse, une charge positive. C'était déjà très compliqué ce qu'il me demandait de faire pour ma thèse, donc je n'ai pas été comprendre ce que c'était qu'un trou. On m'a dit, c'est une charge, c'est une particule, ok. Bon, enfin, après, on se pose des questions. Et je suis tombée sur un papier du Philippe Nozière, expert des effets Ehn-Cohr, donc des interactions dont parlait Emmanuel, qui était de 200 pages, épouvantable, des diagrammes partout, des machins. Et en fait, très, très compliqué. Moi, maintenant, je peux, bon, en particulier dans ce livre, je fais 3 pages et j'arrive au trou. Quoi. Donc, il n'y a pas de problème, le trou, il est là. Mais, quelque part, ça a paru dans les années 50, hein, le concept de trou. C'est un peu le début des transistors, de la compréhension des semi-conducteurs, qu'est-ce qui se passait dans un semi-conducteur. Et pour comprendre les problèmes d'interaction, si je reviens à mes deux fils de voiture, les voitures, s'il y en a plusieurs qui sont sur la file vide, elles peuvent interagir, elles peuvent se cogner, elles peuvent se doubler, donc il se passe des choses. Et dans la file qui est pleine, avec des places vides, si j'ai une seule place vide, ben, les gens sont gentils, ils se remplacent les uns les autres. Mais si j'ai plusieurs places vides, il y a une voiture tout au fond qui va peut-être avoir envie de sauter 2 places vides pour aller dans la 3e. Donc il est très concevable que des interactions entre places vides existent aussi. C'est pas parce qu'il y a des voitures qui peuvent se doubler, il y a aussi des places vides qui peuvent interagir. Comme disait Emmanuel, il y a une interaction. Et puis, il y a en plus une interaction parce que de l'autre côté de la barrière, la voiture, elle voit son ex place vide. Et là, en fait, il se trouve qu'elle s'attire. Bon. Alors que les places vides se repoussent. Mais c'est pareil. Et du coup, il y a une physique à ce qu'on appelle N-corps, c'est-à-dire plein d'une espèce et plein de l'autre, assez subtile, compliquée, qui se met en jeu. D'autant plus qu'il peut y avoir des paires entre la place vide et l'électron, qui est un excitron. Physique supplémentaire. Emmanuel Delporte sur cette conception, parce qu'effectivement on peut redire une fois de plus que l'électron est évidemment de charge négative, le trou est donc de charge positive, que les deux sont considérés comme des fermions, c'est-à-dire avec des demi-spins, et que l'assemblage des deux du coup constitue un spin unique et donc transforme cette paire, l'exciton, en un boson. Alors effectivement, là on arrive sur un concept qui est lui aussi assez complexe. Qu'est-ce qu'un boson ? Parce que finalement on a affaire là à une particule composite. Donc en fait, pour pouvoir, quand vous prenez les concepts de fermions et de bosons, on est sur des concepts issus de la physique statistique. Donc en fait, si on veut savoir si cette particule est effectivement un boson, eh bien il faut qu'elle réponde à la statistique de Bose. Et donc, que nous dit la statistique de Bose à ce sujet-là ? Bon, alors, a priori, effectivement, on a deux fermions, mais c'est compliqué parce qu'ils sont quand même eux-mêmes en interaction. Donc, en fait, pour y a des marqueurs de la statistique de Bose. Est-ce qu'on arrive à condenser, par exemple, c'est un de ces marqueurs-là. Et les excitons, donc, voilà, c'est un pan de la physique des excitons qui est actuellement très, très regardé. On reviendra sur la notion de condensat dans quelques minutes, mais on va essayer de comprendre maintenant ce qu'elle a de particulière, cette quasi-particule. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons de l'exciton tout au long de cette heure dans la méthode scientifique en compagnie de Monique Combesco, d'Emmanuel Delporte et d'Alexandre Plot qui nous présentera ses travaux de recherche dans quelques minutes. Peut-être un mot, Monique Combesco, aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cet exciton ? Quelles sont ses propriétés qui le rendent à ce point intéressant ? Alors, d'abord, c'est une particule qui est faite de deux charges opposées. Donc, elle est potentiellement neutre. Ce qui fondamentalement n'est pas bien, parce que pour les déplacer avec un champ électrique, c'est pas sympathique du tout. D'autre part, mais elle est très riche parce qu'elle est faite, comme vous venez de le dire, de deux fermions. Et donc ce n'est pas vraiment un boson, comme m'a dit Emmanuel, c'est un boson composite. Et pour faire comprendre la différence entre une particule élémentaire, qui serait un boson comme le photon, et une particule composite qui pourrait être aussi un boson comme l'exciton, je vais revenir encore à une image qui amuse souvent les gens, ce qui se passe dans leurs interactions. Alors, bon, ce qu'on cherche à faire en physique, c'est faire des interactions, et avec ces interactions, de manipuler des choses. Bon, on essaye qu'il se fasse interaction, on essaye de rajouter des effets pour qu'il se passe des choses qu'on contrôle. Alors, pour comprendre, les gens, jusqu'à présent, et les gens qui, par exemple, font des gaz froids, qui ont des bosons, ont tendance à l'oublier, bien qu'ils le sachent, mais leurs particules sont tellement petites que les effets du fait qu'ils soient composites sur leurs bosons jouent très peu de rôle. Pour nous, l'exciton, proportionnellement, est considérablement un objet beaucoup plus gros, donc tout de suite, l'effet arrive. Alors, donc, j'explique les deux possibilités. Vous avez une chambre noire et vous avez deux hommes qui rentrent dans cette chambre. L'interaction, c'est qu'il se passe quelque chose pour qu'ils sortent différents. Donc, ils rentrent dans la chambre, ils se parlent. Et en se parlant, ils ont changé leurs idées qu'ils avaient. Et ils ressortent. Et en s'étant parlé, ils ont changé. Donc, ils ont interagi en parlant. Maintenant, ces deux hommes sont mariés. Donc, ils rentrent dans cette chambre en tant que deux couples. Et dans la chambre, ils se parlent, les hommes, les femmes, ensemble, à quatre, et ils ressortent mariés, parce qu'à l'époque, c'était il y a 100 ans, le divorce n'existait pas. Et donc, ils sortent et ils voient, ils ont changé parce qu'ils se sont échangés des idées, et donc normalement, ils ont changé. Alors maintenant, quand même, le fait que ça soit un étalier, qui était l'homme et la femme mariés en rentrant, deux hommes et deux femmes, enfin deux couples mariés, quand ils rentrent, ils peuvent se passer des choses. Ils peuvent se parler. Et puis en se parlant, ils réalisent que la femme de l'autre, elle est quand même drôlement bien. Et ils changent d'avis et ils ressortent en ayant échangé de partenaire. Ou bien, autre possibilité, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette femme. Et donc, ils veulent échanger, changer de couple. Et ils se parlent quand même parce que l'autre, il veut garder sa femme. Et puis non, je vais aller avec l'autre. Et ils repartent. Donc, ils ont vraiment changé. Ils se sont parlé, ils ont changé de partenaire. Mais il peut se passer encore mieux que ça. Il peut se passer que c'est un coup de foudre tel qu'ils n'ont même pas besoin de se parler. Chacun est amoureux de l'autre. Et sans même se parler, c'est-à-dire avec une interaction, parce que sortir marié autrement, c'est une énorme interaction. Mmh. Mais c'est une interaction d'une nature différente, parce que de cette nature, c'est pas comme les gens qui se parlaient. Et ce type d'interaction, c'est l'interaction dominante dans les excitons, qui sont une paire homme-femme. Alors vous mettez l'électron et le trou où vous voulez, mais j'imagine que vous savez où vous allez le mettre. Bon, mais quelque part, ils ressortent différents. Et toute la physique, disons, que l'on fait, de petites non-linéaires, des effets qui sont prédits, plein d'effets qui sont observés, vient de ça. C'est-à-dire que la paire qui rentre change à la sortie. Alors, dans le cas de l'atome d'hydrogène est tout petit par rapport à l'exciton. Et donc, on comprend très bien que la chance qu'ils puissent s'échanger va être plus petite quand l'objet est tout petit que quand il est très grand, parce que s'ils sont très délocalisés, ils ont une chance de se voir. Donc, dans le cas des atomes, la physique associée à ces échanges est à peu de conséquences. Il y en a, qu'on vient de trouver d'ailleurs, on prédit un effet qu'on espère qu'il va être vu. Alors que dans les excitons, qui sont des gros objets, c'est la physique d'interaction dominante. Physique qui, jusque il y a 10 ans, 15 ans, que j'ai commencé à regarder ce genre de problème sérieusement, n'avait pas été compris ni vu. Donc c'est un processus d'échange pur. Alors on va là-dessus, sur le fait qu'en plus, dans cet échange, si on rentre dans la chambre avec deux excitons brillants, l'échange fait qu'on peut sortir noir, on change de couleur. Et il se trouve, alors c'est un peu plus compliqué à expliquer, que dans les excitons, il y en a des noirs et des brillants. Les brillants, c'est ceux qui sont couplés à la lumière, qui sont photocréés. Et les noirs, ils sont drôlement bien parce qu'ils ne sont pas couplés à la lumière, donc ils ont des très grands temps de vie et ils sont très très utiles pour faire de la technologie parce qu'ils ne se recombinent pas. Et donc, les gens n'avaient pas réalisé que quand on met deux excitons brillants ensemble, on peut fabriquer deux noirs. Et les excitons noirs ont l'état le plus bas en énergie. Et c'est eux qui condensent en condensation de Bose-Einstein. Donc les gens ont cherché la condensation de Bose-Einstein depuis les années 70, sans réaliser ça, alors que tout le monde savait qu'il y avait des excitons noirs et tout le monde savait qu'ils avaient l'énergie la plus basse. Et en 2008... je me suis intéressé au problème de la condensation parce que je commençais à comprendre comment ça interagissait. Et j'ai réalisé que le condensat est noir. Et quand vous êtes allé voir François Dubin... Céline Lezenne qui allait faire un reportage, justement, tout à l'heure à l'Institut des nanosciences qu'on va entendre dans quelques minutes. Donc, cette histoire, c'est que, du coup, il a fallu monter une manip parce qu'évidemment, personne ne m'a cru. Parce que tous les gens qui ont cherché des condensats brillants, ils n'étaient pas contents, donc il fallait que je sois tort, mais enfin bon. Donc François Dubin a monté une manip, très compliquée, c'est du manip type condensat, enfin top mondial, hein. Pour l'instant il est le premier à avoir vu ça, et il a confirmé que les excitons condensent dans un état noir, ce qui va avoir des implications technologiques énormes. Mais nous on avance, on est théoriciens, enfin on est fondamentalistes, hein. Faut voir que... il faut d'abord comprendre, il faut d'abord prouver, et puis ensuite, il faut appliquer. Et ça, je vais m'arrêter parce que la suite... enfin, j'en sais un peu, mais j'en sais pas beaucoup. Moi, je suis en amont. Je suis entre les maths et la physique, quoi, si j'ose dire. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter vers l'émission que nous avions consacrée une heure entière au condensat de Bose-Einstein pour vous expliquer. Peut-être qu'on peut redire rapidement, Emmanuel Delaporte, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est qu'un condensat de Bose-Einstein et le lien avec les excitons. Non, pas vraiment Moi, je ne suis pas spécialiste en fait des excitons en interaction entre eux parce que justement, moi, j'utilise l'exciton pas seul, mais enfin, je ne considère pas dans mon travail les interactions entre ces excitons. Alors, avant de reparler peut-être de ça, je vais vous demander, je vous repose la même question pour qu'on ait votre point de vue et votre éclairage, Emmanuel Delporte, sur les propriétés de cette quasi-particule. Qu'est-ce qui fait que cette quasi-particule, que ses propriétés sont intéressantes et vont être exploitées dans le domaine des semi-conducteurs, mais pas uniquement, on en reparlera tout à l'heure. Dans les différentes applications qui utilisent l'excitonique, eh bien ce mot est bien au cœur en fait de ces applications. Cet exciton existe, qu'on considère des composants qui émettent de la lumière ou d'autres qui absorbent de la lumière. Et en fait, dans ces deux types d'utilisation, eh bien on excite le matériau et donc on arrive à avoir cette particule qui est présente à l'intérieur de ce matériau. Et c'est ça qu'on va utiliser ensuite. Voilà. Mmh. Soit pour émettre de la lumière, soit pour la transformer en un électron qui se balade dans les fils quand on travaille sur le photovoltaïque. Parce que concrètement, comment est-ce qu'on crée un exciton justement ? C'est avec un photon qu'on va venir ajouter voilà. de l'énergie à un système voilà. pour le faire passer en état... Monsieur Besco parlait tout à l'heure qu'il fallait une grue, en fait, pour déplacer cette voiture vers l'endroit de l'autoroute vide. En fait, cette grue représente une barrière d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut exciter le matériau, hein. voilà, donner de l'énergie au matériau pour finalement arracher l'électron du noyau où il aime être normalement, sans excitation. Et à partir du moment où on a arraché cet électron et qu'on l'a mis dans la bande de conduction, ben, il reste un trou dans la bande de valence. Nous avons donc nos deux particules, l'électron et le trou. Et ensuite, nous pouvons considérer finalement un exciton. C'est un état excité du semi-conducteur. Voilà. Et une fois que nous avons cet électron et ce trou, eh bien, ils peuvent interagir par interaction coulombienne. Monique Combesco, pour compléter ce que vient de dire Emmanuel Delporte. C'est vis-à-vis de quoi de la façon dont on crée les excitons. C'est effectivement de donner... Alors, l'exciton, c'est une énergie qui peut être thermique. Je veux dire, si on chauffe, on peut aussi franchir le gap. Donc, mais en général, on fait des expériences où on veut contrôler combien il y en a. Donc, on envoie un photon. Alors, il y a plein de choses, parce que le photon, ce n'est pas seulement un photon. Le photon, il a une direction de propagation et il a une polarisation. Et contrôler ce qu'un photon avec une polarisation comme ci et pas comme ça fait dans un semi-conducteur qui lui-même est comme ci et pas comme ça, conduit à une richesse, comme vous pouvez imaginer, d'un contrôle total de exactement la nature de l'exciton qui est créé quand le photon a été envoyé, soit sur un matériau massif, et aujourd'hui c'est plutôt dans des matériaux bidimensionnels qu'on joue, ou des fils, et avec ça, on a un contrôle de ce qu'on fait. Alors, d'autant plus que ce fameux papier dont vous parlez, donc de l'EPFL... On va y revenir dans un instant. Mais j'y tiens pour le dire, il se trouve que quand on est en dimensionnalité réduite, ou dans leurs matériaux, l'énergie liaison de l'exciton est beaucoup plus grande qu'habituellement. Et le problème, c'est de garder cet exciton et ne pas le casser. Et thermiquement, si on chauffe à l'énergie qui correspond à la liaison, on le casse. Donc quand la liaison est très faible, l'exciton, dès qu'on est à température de 10 K, cassé. De 10 Kelvin, donc à des très basses températures. Là, on a des nouveaux matériaux très à la mode depuis une dizaine d'années, qui sont avec des énergies de liaison considérablement plus grandes, grâce à quoi l'ambiance est envisagée. Pour essayer de synthétiser, je parle sous votre contrôle, ce que nous dit Monique Combesco, c'est que pendant très longtemps et jusqu'à ce papier justement de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, les excitons, ont non seulement une durée de vie très courte, mais surtout, il faut les conserver, ils ne se produisent qu'à très très basse température, c'est-à-dire vraiment proche du zéro absolu, Emmanuel Delporte. Alors dans les semi-conducteurs, cela dépend en fait du type de semi-conducteur que nous étudions. Effectivement, il y a... Alors, l'exciton, c'est donc une paire électron-trou liée par cette interaction coulombienne. Et donc, on parle d'énergie de liaison, c'est-à-dire que cette paire électron-trou est plus stable lorsqu'elle est liée par interaction coulombienne que par rapport à la situation où on considérait un électron et un trou très loin l'un de l'autre. On gagne de l'énergie, en fait, à lier cet électron et ce trou. C'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison de l'exciton. Et c'est une valeur très importante qu'il faut effectivement comparer à l'énergie thermique, notamment à température ambiante, parce que quand on veut faire des composants optoélectroniques, eh bien, il faut évidemment qu'ils fonctionnent à température ambiante. Donc, si cette énergie thermique est trop importante par rapport à l'énergie de liaison de l'exciton, on casse l'exciton, et donc on n'a plus cette particule avec laquelle on veut jouer dans les composants optoélectroniques. Alors, dans les semi-conducteurs conventionnels, standards, classiques, enfin, ceux qu'on étudie depuis plus de 40 ans, notamment dans le silicium ou l'arsénure de gallium, qui est aussi très connu, cette énergie de liaison de l'exciton est faible par rapport à l'énergie thermique à température ambiante. Ce qui fait que pour travailler avec ces excitons dans ce genre de semi-conducteur, il faut plutôt être à basse température. On a donc intérêt à trouver d'autres matériaux qui présente des énergies de liaison de l'exciton plus importantes. Et effectivement, depuis maintenant peut-être 10 à 20 ans, des matériaux apparaissent, des matériaux massifs comme le nitre de gallium, plus récemment l'oxyde de zinc, présentent des énergies de liaison de l'exciton supérieures à l'énergie thermique à température ambiante. Une autre façon d'augmenter cette énergie de liaison de l'exciton est de travailler le matériau lui-même, c'est-à-dire d'introduire en fait des contraintes géométriques, de forcer cet électron et ce trou à être à un endroit précis du matériau. Et vous avez maintenant, pour faire ceci, tout l'avènement des nanotechnologies qui permettent de construire des puits quantiques, des fils quantiques, voire des boîtes quantiques. Blading Photons de Stalk sera méthode scientifique puisque nous parlons entre autres de photons, mais c'était pas évident de trouver un titre de musique lié à l'exciton. C'est le thème de notre conversation tout au long de cette heure en compagnie de Monique Combesco qui est directrice de recherche émérite à l'Institut des Sciences de Paris et Emmanuel Delporte qui est professeur du département de physique de l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay. Et comme tous les mercredis à 7h, eh bien c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Tous les mercredis, nous donnons la parole à un ou à une jeune chercheur ou chercheuse. C'est un jeune chercheur, en l'occurrence, qui est autour de la table de la méthode scientifique aujourd'hui. Bonjour Alexandre Plot. Bonjour. Rebonjour, bienvenue à la recherche montre en main. Vous êtes doctorant en troisième année affilié au laboratoire d'études des microstructures à Châtillon, CNRS, ONERA, ainsi qu'au groupe d'études de la matière condensée à Versailles. Vous travaillez sur l'étude de l'émission de lumière ultraviolette par les excitons de nitrure de bore hexagonal. C'est à vous, on vous écoute. Eh bien, d'abord, merci de me donner l'opportunité de présenter mon sujet de thèse. Ma thèse porte sur l'étude des matériaux bidimensionnels. Ce sont des matériaux lamellaires dont la structure se compose de feuillets d'épaisseur atomique, empilés les uns sur les autres. Dans les feuillets, les atomes sont très fortement liés entre eux, alors que les feuillets sont faiblement liés les uns aux autres. Par exemple, le graphite, présent dans les mines de crayons à papier, est composé d'un empilement de plans d'atomes de carbone. Lorsqu'on dessine, la simple friction de la mine sur le papier suffit pour briser les liaisons faibles entre les feuillets et les séparer les uns des autres, si bien qu'on obtient sur le papier un trait composé d'un ensemble de morceaux de graphite. D'une manière analogue mais bien plus contrôlée en laboratoire, nous savons isoler un unique plan d'atomes afin d'étudier ses propriétés. Il existe une grande variété de cristaux bidimensionnels qui peuvent être métalliques, semi-conducteurs ou isolants. Leur structure particulière leur confère des propriétés différentes et nouvelles comparées à leurs homologues massifs qui équipent nos ordinateurs et téléphones. Notamment, leurs propriétés optiques, c'est-à-dire la manière dont ils absorbent ou émettent la lumière, sont dominées par des effets excitoniques très prononcés. Ainsi, les matériaux 2D constituent une plateforme idéale pour l'étude des excitons confinés dans un plan. Les feuillets isolés étant des surfaces pures, ils sont extrêmement sensibles à leur environnement. Leurs propriétés changent en fonction du nombre de feuillets étudiés. Il est aussi possible d'empiler des matériaux 2D de différentes natures afin d'en créer un nouveau, dont les propriétés résultent du couplage entre ces différents constituants. Cet empilement est appelé hétérostructure de Van der Waals ou hétérostructure 2D. Et ces structures sont déjà à l'étude pour différentes applications, que ce soit en électronique ou en optique. Dans ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement au nitrure de bore hexagonal. C'est un cristal isolant, ayant une structure similaire au graphite, mais où les atomes de carbone sont remplacés par des atomes de bore et d'azote. Dans le domaine des hétérostructures, la nature isolante du nitrure de bore est utilisée pour limiter le couplage entre deux constituants, ainsi que pour isoler la structure réalisée de son environnement. Mais le nitrure de bore présente aussi des propriétés de luminescence intense dans l'ultraviolet profond, vers 215 nanomètres. C'est une lumière qu'on ne voit pas, mais qui a des applications technologiques. Elle permet notamment de réaliser du stockage d'informations à haute densité, puisqu'elle peut être focalisée plus finement que la lumière visible. Mon sujet de thèse est précisément d'étudier ces propriétés de luminescence, que ce soit dans le nitrure de bore massif ou dans les feuillets d'épaisseur atomique. Pour réaliser mes études, je fais notamment des expériences de cathodoluminescence. Il s'agit d'une technique qui permet de générer des excitons à l'aide d'un faisceau d'électrons, puis d'analyser la lumière émise par les excitons qui se recombinent. Les données ainsi obtenues nous renseignent sur la nature de l'échantillon, la présence de défauts ou de contraintes. Un des intérêts de cette technique réside dans la possibilité de focaliser un faisceau d'électrons sur quelques nanomètres seulement, soit quelques milliardièmes de mètre, ce qui en fait un outil de choix pour mettre en évidence des phénomènes locaux d'interaction entre des excitons et des impuretés, des excitons et des défauts structuraux, ou encore des excitons et des excitons eux-mêmes. En ce moment, j'utilise une hétérostructure composée d'une monocouche de disulfure de molybdène. C'est un semi-conducteur qui émet de la lumière rouge, entre autres. Cette monocouche est encapsulée dans du nitrure de bore hexagonal et elle me sert pour étudier le déplacement des excitons dans le cristal de nitrure de bore. Merci beaucoup Alexandre Plot. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Peut-être une réaction à ces travaux, Emmanuel Delporte. Alors effectivement, on parlait juste avant d'énergie de liaison de l'exciton qu'il faut chercher à augmenter par tous les moyens si on veut utiliser cet exciton à des fins de composants optoélectroniques. Et les matériaux bidimensionnels sont une façon d'augmenter cette énergie de liaison de l'exciton. Et les matériaux sur lesquels travaille Alexandre, effectivement, sont des matériaux nouveaux. Alors il y en a d'autres qui naissent aussi actuellement, dont on ne connaît pas encore grand-chose et qu'il faut étudier. Mais effectivement, ici, dans ce que nous a dit Alexandre, ce qui est vraiment important, c'est le terme bidimensionnel. Voilà ce que j'ai appelé tout à l'heure un puits quantique, qui était un mot peut-être un petit peu trop technique. Voilà. Monique Combesco. Je vais peut-être dire un mot sur pourquoi, dans des structures de dimensionnalité réduite, l'énergie de liaison croît. Alors, vous imaginez un atome d'hydrogène dans le système à trois dimensions, dans l'air, dans le vide. Bon, en gros, alors l'image que l'électron tourne autour du noyau, elle n'est pas très bonne, mais enfin bon, en moyenne, la distance entre l'électron et le proton se trouve de l'ordre d'une certaine, bon, c'est 0,5 angström. Et il est dans les, disons, la probabilité est à peu près la même dans les trois directions. Si maintenant vous écrasez cet atome d'hydrogène, très bêtement, si vous écrasez un ballon, il va s'élargir. Donc vous avez l'impression qu'il va devenir plus large. La distance entre l'électron et le proton va croître. Et si elle croît, ça veut dire qu'ils se sentent moins, ils s'attirent moins, donc l'énergie de liaison va décroître. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Alors la raison maintenant de pourquoi, quand on écrase, ça ne s'élargit pas, alors qu'il y avait une image à une conférence des semi-conducteurs sur des bidimensionnalités de puits quantiques où il y avait cette image et la personne qui a fait le dessin n'avait rien compris. Et nous, quand on a vu sortir l'image, on s'est amusé parce que c'était faux. Quand maintenant, vous prenez toujours cet atome d'hydrogène et vous imaginez que vous ne lui permettez pas dans une direction d'aller se promener, ça veut dire que dans cette direction-là, vous forcez mécaniquement l'électron et le proton d'être plus proches. Quant à l'extérieur, disons que sur les trois dimensions, au lieu qu'ils soient tous les trois à une certaine distance, il y a une dimension où il est plus petit. Donc globalement, la distance moyenne dans un système contraint va être plus petite que quand il n'est pas contraint, où il y a une direction où en moyenne il peut aller plus loin. Et comme la dimension contrainte est plus petite, ils sont plus près, ils se sentent plus et l'énergie de liaison est plus grande. Et ça, c'est aussi valable pour un fil, parce qu'on sait faire aussi des fils quantiques qui a une énergie encore plus grande. Donc, pour comprendre pourquoi on joue maintenant tous avec, enfin, toutes les expériences sont faites avec des matériaux bidimensionnels, justement pour accroître l'énergie la liaison. Emel Delporte. Et juste une précision sur les tailles auxquelles il faut accéder pour sentir cet effet de contrainte dont vient parler Monique Combesco. Eh bien, ce sont des tailles nanométriques, le milliardième de mètre. Donc, technologiquement, ce sont des matériaux, des systèmes qui ne sont pas très faciles, en fait, à faire. On parlait tout à l'heure, dans l'introduction de ce papier de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui a réussi à maintenir des excitons à température ambiante, et ça a donné lieu à une publication au mois d'août dernier dans la revue Nature. Cette prouesse, elle a été reproduite par des physiciens français. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut des Nanosciences de Paris pour voir en quoi consistent précisément ces expériences. Oui, ces expériences ont été menées par François Dubin, chercheur CNRS. Il a réussi à partir de vos travaux théoriques, Monique Combesco, a observé pour la première fois une condensation de Bose-Einstein d'un gaz d'exciton. Il s'agit d'un nouvel état quantique de la matière et cette avancée est très théorique, mais quand même il y a des applications de ces expériences qui sont éprouvées dans des semi-conducteurs de nouvelle génération. Le papier que vous avez vu là, de l'EPFL, ce qu'ils font, et c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait dans nos manips aussi, c'est qu'en fait on impose une séparation spatiale entre un plan dans lequel il y a des électrons, et un autre plan dans lequel il y a des trous. Et donc ces électrons et ces trous, comme ils ont des charges qui sont opposées, ils s'attirent et ils forment ces quasi-particules qu'on appelle les excitons. La différence entre la manip de l'EPFL et les expériences sur lesquelles on travaille ici, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier en fait les propriétés collectives quantiques des gaz d'excitons. Et donc on n'utilise pas du tout les mêmes matériaux, on utilise de l'arsénure de gallium. Donc en fait on a des plans très fins de quelques nanomètres d'arsénure de gallium qui sont séparés par encore quelques nanomètres d'arsénure de gallium mais dans lequel on met aussi de l'aluminium, de manière à avoir en fait un système qui est extrêmement propre. Aujourd'hui on a des échantillons qui sont en fait des structures modèles pour étudier ces propriétés des excitons qu'on appelle des excitons indirects, parce qu'ils sont indirects dans l'espace, parce qu'on a mis l'électron dans un plan et on a mis le trou dans un plan qui est séparé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça pour s'assurer que le temps de vie de ces excitons-là, donc qui sont des quasi-particules, soit très long devant les temps caractéristiques de thermalisation du système. Parce qu'on veut arriver en fait à faire des gaz qui soient très froids, et donc il faut que les gaz ils puissent être refroidis. Explique-moi, on est à quelle température Là, vous voyez, là, on est à 300 degrés millikelvin, donc ça veut dire moins 272,8 degrés. Proche du zéro absolu. Voilà, c'est ça. Et donc nous, dans les expériences qu'on réalise, les propriétés collectives quantiques des gaz d'excitons n'interviennent qu'essentiellement en dessous de 1 degré Kelvin. Donc là, dans les expériences qu'on fait aujourd'hui, on est dans un régime dans lequel on pourrait avoir accès, on pourrait étudier en fait donc ces condensats d'excitons et donc des propriétés comme la superfluidité par exemple. Là on est devant une table où il y a beaucoup d'optique. Ouais, Donc ce qu'il y a, c'est donc le cryostat. Donc ça, c'est un cryostat qu'on appelle en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on a un compresseur d'hélium 4 qu'envoie donc de l'hélium 4 dans un ce qu'on appelle un tube pulsé. Donc il pulse, c'est le bruit qu'on entend derrière, qui vient refroidir essentiellement toute l'enceinte du cryostat. Donc à l'intérieur de ce cryostat, on a un porte-échantillon qui est monté sur le circuit d'hélium 3 et qui est donc refroidi à ces 300 millidegrés Kelvin. En face du porte-échantillon, donc on a un objectif de microscope qui nous sert à injecter les excitons par des techniques optiques, donc en focalisant un laser sur les échantillons. Donc on envoie de la lumière, en fait. Voilà, on envoie de la lumière. Donc derrière le cryostat, là, vous avez un laser. Donc le laser, ensuite, il part dans une fibre optique qui arrive ici. Et après, il est conduit jusqu'à l'échantillon. Alors là, on a sous les yeux un échantillon. Donc les échantillons, ils sont montés sur des PCB, en fait. C'est un polymère qui est très utilisé en électronique, sur lequel, nous, on imprime, en fait, des pistes. Là, vous en avez une. Ce qui se passe, c'est quand vous séparez l'électron et le trou, vous avez vous induisez un moment dipolaire. Et donc nous, on a des excitons qui ont des moments dipolaires qui sont très grands. Donc ça enrichit énormément la physique, mais en même temps, ça veut dire qu'ils sont très sensibles à leur environnement électrostatique. Donc nous, on imprime un environnement électrostatique à la demande, mais de l'autre côté, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de parasites. Donc ensuite, on récupère donc la lumière que les excitons réémettent. Et cette lumière-là, on va l'analyser par différents moyens. Quand vous dites, on observe les excitons, c'est, on les détecte On les détecte chose. Quand ils meurent. Si vous excitez un semi-conducteur, disons à la résonance de la transition excitonique, donc vous allez là injecter une paire électron-trou en ayant détruit un photon. Mais après, cette paire électron-trou, comme l'électron et le trou, ils ont des charges opposées, ils ont aussi une probabilité de se recombiner. Et ils vont se recombiner d'autant mieux qu'ils sont proches l'un de l'autre, autrement dit quand leur fonction d'onde se superpose, autrement dit quand l'exciton est mort. Et ce qui se passe, c'est que le couplage entre la lumière et les excitons est tel que, je dirais, les caractéristiques des excitons sont réimprimées dans la lumière qui est émise. Donc nous, en analysant cette lumière-là, on a un accès direct à toutes les propriétés physiques des excitons. Et on a une photo de l'exciton juste avant sa mort. Et quelles sont les applications fondamentales ou techniques de toutes les connaissances que vous avez pu tirer de ces expériences-là? Disons, une application qu'on peut imaginer, disons, aujourd'hui, c'est que, je dirais que dans tous les développements, l'électronique au sens large, on est confronté aujourd'hui à des problèmes de taille qui font qu'en fait, tous les dispositifs qu'on a sont tellement petits qu'ils ont des grandes résistances et donc ils chauffent beaucoup. Les transistors notamment. Oui, les transistors, toutes les technologies de transistors aujourd'hui, c'est la dissipation de la chaleur dans toutes les technologies CMOS, etc. C'est vraiment un problème de fond. Et donc vous pouvez imaginer faire des systèmes à deux couches de dicalcogénure pour réaliser des excitons indirects dans ces systèmes à deux couches. C'est ce qu'ils ont fait à l'EPFL. Mais il y a plein d'autres laboratoires dans le monde où on fait ça, qui sont en fait maintenant des matériaux dans lesquels les énergies de liaison des excitons sont très grandes. Donc on peut les observer à température ambiante. Et vous pouvez imaginer réaliser des dispositifs dans lesquels vous allez faire des transistors à base de ces excitons-là, qui seront des systèmes dans lesquels on va réussir à condenser les excitons, donc à faire des états superfluides, et auquel cas vous seriez capable, en effet, à température ambiante, à réaliser des dispositifs, peut-être tout petits, mais dans lesquels il y aurait du transport d'électrons sans dissipation. Voilà le reportage du jour qui nous amène doucement sur la piste des applications en électronique, en excitonique. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Emmanuel Delporte? Alors, donc effectivement, ce qui a été dit, c'est que il faut, pour aborder les applications, il nous faut des excitons qui sont robustes à température ambiante. D'où effectivement l'importance du choix du matériau dans lequel on va pouvoir travailler. Et c'est effectivement quelque chose de très important actuellement en science, de trouver ces bons matériaux. Et les matériaux dicalcogénure, les matériaux de type molybdène MOS2 ou tungstène sélénium, sont effectivement des matériaux dans lesquels on trouve des grandes énergies de liaison de l'exciton. Alors, il y a d'autres matériaux qui sont apparus, qui sont les pérovskites hybrides halogénés sur lesquels je travaille, dans lesquels on trouve aussi de grandes énergies de liaison de l'exciton. Maintenant, il ne faut pas que cette propriété pour pouvoir faire quelque chose de ces matériaux. Il faut qu'ils présentent aussi des bonnes propriétés de conduction, parce qu'à un moment donné, on va être amené à faire se propager soit l'exciton lui-même, soit l'électron et le trou une fois que l'exciton est mort. Donc il faut aussi de bonnes propriétés de conduction. Donc c'est pas si évident de trouver le bon matériau, et d'où le fait qu'il y a énormément de recherches sur ces matériaux à grande énergie liaison d'exciton. Monique Combesco sur ce reportage. Alors moi, je trouve que François a très clairement expliqué la physique, qu'il faut une grande énergie de liaison pour que l'excitation tienne à l'ambiante, et tant qu'à faire, un grand temps de vie pour qu'on puisse faire des choses avant qu'ils se recombinent. Alors maintenant, il a aussi dit que le problème des transistors, c'est que ça chauffe, et donc on a un courant, quelque chose qui se passe, qui est associé au mouvement des électrons. Si au lieu d'avoir le mouvement des électrons, on a un mouvement de la paire électron-trou sous forme d'exciton, qui de plus est dans un état condensé, alors on a un objet qui ressemblerait à une paire de coupeurs. Enfin, disons qu'on peut faire de la on peut espérer avoir de la supraconductivité avec cet objet, que d'ailleurs François Dubin a très récemment mis en évidence avec l'observation de vortex dans ce condensat noir d'exciton, qui est quand même un peu particulier. Et la question maintenant se pose, c'est que pour que ça soit vraiment très bien, il faut en plus fabriquer le condensat. Et la question c'est, est-ce possible ? Et l'ennui, c'est qu'on est à deux dimensions. Et fabriquer de la condensation à deux dimensions, c'est en fait plutôt une condensation du genre Coasterlitz-Sauless, qui est encore autre chose, qui est un effet Encore extrêmement subtil. Et François a de gros doutes, moi aussi, sur le fait que on arrive à une technologie qui permettrait d'éviter que ça chauffe. Alors, pour te poser une question, dans les matériaux avec lesquels tu travailles, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire de l'incandescence des excitons que tu regardes? Emmanuel Delporte, à propos des pérovskites hybrides sur lesquels vous travaillez. Oui, alors non, on n'est pas encore du tout à ce niveau-là, parce que ce sont des matériaux très nouveaux dont on obtient assez facilement une couche en multifeuillet, même très facilement. On l'obtient avec des méthodes en solution. Donc vous vous frottez pas? Non, on ne frotte pas, mais ce sont des méthodes de soft chemistry, donc obtenues en solution, à température ambiante, sans vide, etc. Le chimie douce. Chimie douce. Mmh. Alors, bien sûr, après, le prix, il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer, c'est que la qualité de ces matériaux-là peut s'améliorer. Mais pour l'instant, ces matériaux-là sont connus pour des applications optoélectroniques depuis trop peu de temps. Donc, on ne connaît pas encore exactement quelles sont les impuretés, par exemple. C'est un domaine qui n'a pas encore été vraiment exploré. Mais par contre, la qualité du matériau, que ce soit dans un semi-conducteur conventionnel ou dans les semi-conducteurs de type HBN d'Alexandre ou les pérovskites hybrides halogénés, est vraiment quelque chose d'important. Mais ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et donc là, pour répondre à Monique, je dirais qu'on n'est pas encore au stade où on peut aller chercher de telles propriétés dans les pérovskites hybrides. Mais Il nous reste quelques minutes peut-être pour conclure. Justement, on sait, je l'évoquais au tout début de cette émission, on a attendu, j'allais dire peut-être pas des miracles, s'il n'y a pas de miracle en science, mais on a attendu beaucoup de la spintronique, de la photonique, en disant c'est le futur de l'électronique. On entend de l'excitonique aujourd'hui la même chose. Est-ce qu'on en est au stade où on peut se dire qu'on va avoir de la traduction au niveau industriel à moyen terme, ou est-ce qu'on est encore vraiment dans une sorte d'expectative un peu flou, Emmanuel Delporte? Alors, il faut peut-être s'entendre sur la définition de l'excitonique. Mmh. Pour moi, l'excitonique, c'est est-ce que... Donc, on a défini cet exciton. Et maintenant, est-ce qu'on arrive à travailler sur cet exciton, à augmenter son énergie de liaison comme on le veut, à le rendre... à travailler aussi sur le temps de vie de cet exciton, plus court ou moins court. Il y a des applications où on voudra que l'exciton meure de façon très efficace. C'est le cas, par exemple, quand on veut un composant qui émet de la lumière. En fait, ce qu'on veut, c'est que l'exciton meure très rapidement pour qu'il libère les photons. Et c'est ce photon-là qu'on va utiliser dans les diodes électroluminescentes ou les lasers. En revanche, maintenant, vous avez besoin de cet exciton pour des composants photovoltaïques, parce que vous voulez absorber très bien la lumière du soleil, Et quand il y a des grands effets excitoniques, eh bien, ça se ressent aussi sur les propriétés d'absorption. Mais par contre, après, ce que vous voulez faire, c'est séparer cet électron et ce trou. Et donc, en fait, on peut parler, est-ce qu'on peut faire de l'ingénierie de cet exciton ? Eh bien, pour moi, quand on fait de l'ingénierie de cet exciton, on fait de l'excitonique. Donc, comment faire de l'ingénierie de l'exciton ? On peut faire de l'ingénierie de l'exciton en travaillant le matériau, par exemple. Donc là, on a parlé de confinement bidimensionnel. Mais on peut aussi imaginer de le transformer chimiquement, par exemple. Voilà, il y a des tas de méthodes pour essayer d'aller travailler les propriétés de cet exciton. Et quand on fait ça, on fait de l'excitonique. Donc du coup, l'excitonique est déjà au cœur d'applications qui existent et que vous employez quotidiennement, comme les diodes électroluminescentes ou les cellules solaires. En fait, en réalité, il y a beaucoup de physique de l'exciton dessous. Et le grand challenge maintenant est d'essayer, dans le domaine des cellules solaires, de trouver les bons matériaux ou la bonne combinaison de matériaux pour augmenter le rendement de ces cellules solaires. Et dans le cadre des diodes électroluminescentes ou des lasers, le challenge sera de trouver les bons matériaux ou la bonne combinaison de matériaux pour consommer le moins possible d'énergie et avoir une grande efficacité d'émission de photons. Pour conclure, un mot de conclusion, Monique Combesco, sur cette voie d'industrialisation de l'excitonique. Ben moi, j'ai beaucoup d'espoir, je suis toujours enthousiaste. J'ai commencé avec des excitons, qu'à l'époque, le truc très chic, il y a 50 ans, c'était de les transformer en plasma d'électrons-trous. Et ma thèse a été là-dessus, et c'était, les gens avaient observé une raie bizarre, et aussi bien à Paris, dans notre laboratoire, qui à l'époque s'appelait le groupe de physique des solides de l'école normale supérieure, et en particulier en Russie, où il y avait beaucoup de groupes théoriciens et expérimentateurs top niveau, qui s'intéressaient à casser des excitons pour en faire des électrons et des trous. Donc j'ai commencé avec ça. Et maintenant, je m'intéresse au contraire à jouer avec le fait qu'ils peuvent être dans des états liés et qu'ils ne se cassent pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme ce que j'essaye de faire en ce moment avec mes collègues du laboratoire, d'essayer de voir si on peut en faire des mémoires avec des excitons noirs, c'est-à-dire qui n'émettent pas de photons, qui soient dans des combinaisons, parce qu'il y a deux types d'excitons noirs. Donc on peut faire des états intriqués, prédit. Donc, mon rôle là-dedans, c'est de construire comment les prédire, et mes collègues de vérifier ce que je prédis soit juste, comme François a vérifié que les excitons condensent dans un état noir. Et j'ai beaucoup d'espoir parce que c'est un matériau très versatile. La physique atomique est magnifique parce qu'elle est très pure et très propre. Nous, on a des matériaux beaucoup plus compliqués, mais avec beaucoup plus de richesse à cause de la complication. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Eh bien, on terminera par cette note d'espoir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Alexandre Plot d'être venu nous présenter vos travaux de recherche. Merci Monique Combesco. Merci Gabriel Delporte, comme toujours. Hein, vous pouvez réécouter, podcaster, télécharger cette émission via franceculture.fr ou via votre application de podcast préférée. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lezen, Antoine Beauchin, Eve Etienne, Tom Imdenstock, Naguette Saint-Vulfran, Jenab Sangaré à la réalisation, Bruno Gagnère Fontani à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain pour le jour des morts, eh bien nous parlerons de l'histoire de la réanimation avec des techniques que l'on va dire pour le moins iconoclastes. Comment a-t-on appris à réveiller les morts ? Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.